97. Mais Christian me parle des Namviettes. Il me dit quand tu seras là-bas, au pays de tous nos ancêtres, n'oublie pas, oui, Tangolima, n'oublie pas d'embrasser pour moi les filles de la rizière, plaisir ouvert sous le ciel. N'oublie pas, n'oublie pas, Tangolima, embrasse-les pour moi. Oui, je suis dans le tourbillon d'une ville qui a perdu son nom. Cousin Luc, t'es venu me chercher, dans les rues tu vas me guider. Non, je ne veux pas manger du chien, mais pour le reste tout ira bien. Les filles de la rizière, les hirondelles sous le ciel. Non, non, non, je n'oublie pas, oui, je les embrasserai pour toi. Embrasserai pour toi. Nuit de rêve 97, je me réveille en 2017. Il fait froid, il pleut et il neige. C'est l'hiver à Paname dans le 13. Mais Christian n'est plus de ce monde et j'entends sa voix d'outre-tombe. Les filles de la rizière, les hirondelles sous le ciel. N'oublie pas, n'oublie pas, Tangolima, embrasse-les pour moi. Tangolima, embrasse-les pour moi. Tangolima, embrasse-les pour moi.